Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 7e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Jacob Cohen. Jacob, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Jacob, vous êtes écrivain, juif marocain, il faut le préciser, mais vous avez la particularité d'être anti-sioniste. Nous allons en parler tout de suite. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont un chez les éditions Contre-Culture, Le Commando de Hébron, qui est la suite du Printemps des Sayanim, édité d'ailleurs par le Printemps des Sayanim. L'Harmattan. Chers auditeurs, vous avez été nombreux à suivre l'émission précédente avec Marion Sigaud et notre débat sur Robespierre. Sachez qu'elle est en train d'écrire un livre sur la naissance de la République qui sortira bientôt chez les éditions Contre-Culture. Nous aurons donc le plaisir de la réinviter prochainement. Jacob Cohen, vous avez écouté l'émission précédente ? Oui. Alors, la Révolution française, ça vous parle ? La Révolution française, j'ai gardé un souvenir de mes études qui était pour moi un événement marquant, parce que il faut dire que moi j'étais élevé comme un Français. Dès que je suis entré à l'école primaire, je me suis senti réellement français. D'accord. Et donc la Révolution française pour moi, j'ai suivi l'éducation républicaine, ça a été un grand événement. Et malgré ce qu'on dit en ce moment, c'est-à-dire, en fait pour moi c'était un grand moment de l'histoire de France, mais qui a été récupéré. C'est le malheur, c'est toujours que ça, voilà. Ok, ben on en parlera tout de suite. Si. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour Jacob, bonjour à tous. Bonjour. Xavier, tu nous as concocté une petite interview bio de Jacob Cohen. La parole est à toi. Oui Jacob, bonjour. Donc vous êtes né en 1944 à Meknès, au Maroc, une ville extrêmement pieuse. Vous avez suivi une éducation très religieuse, vous avez suivi le Talmud Torah, vous avez été dans les mouvements de jeunesse, vous avez été à l'Alliance israélite universelle. Que gardez-vous de cette époque aujourd'hui ? D'abord, le sentiment d'avoir eu une chance extraordinaire, qui ait eu ces écoles-là dans le Mela de Meknès, parce que sans ces écoles, j'aurais pas eu de formation, parce que c'est pas la France qui se serait préoccupée de nous instruire. Et on avait le sentiment quand même d'un milieu hyper protégé, on était entre nous, solidaires, et on avait envie de réussir, voilà. On était gagné par un sentiment. En fait, la réussite pour nous à l'époque, c'était la réussite, le summum, c'était d'aller en France, à Paris. Voilà, moi, je me souviens, c'était le rêve. Et donc, voilà, d'intégrer cette société parisienne, de faire des études, de réussir brillamment en société. Et le côté juif n'était que secondaire. Et voilà, oui. On voulait réussir de façon pas matérielle, c'est-à-dire parce qu'en fait, c'était pas l'argent, mais c'était réussir une carrière, voilà, faire quelque chose de bien. On avait vraiment le sens de la morale à l'époque. Un grand sens de la famille, de la morale. Donc c'est tout cet aspect-là que vous avez gardé. Et est-ce que vous... Oui. Et comment vous analysez l'évolution, justement, de cet enseignement qui est dispensé aujourd'hui encore auprès de nombreux jeunes juifs dans la communauté juive ? C'était un enseignement de qualité, très traditionnel. Je vais donner un exemple. J'ai suivi des cours d'arabe classique à l'époque. Donc c'était le niveau du collège. Eh ben, je sais pas, moi, 40 ans après, je connais encore les règles de la grammaire de l'arabe classique. Et les gens au Maroc s'étonnaient toujours, mais comment... Je dis, voilà, j'ai appris ça à l'école, au collège, et on avait une telle formation sérieuse, stricte, on respectait les profs, et voilà, c'était vraiment une émulation réciproque, mais pas dans la concurrence déloyale ou l'adversité. On était vraiment unis. Voilà. Tout en étant ouvert sur le monde. Oui, on était ouvert et malheureusement, on n'avait pas les moyens d'être ouvert sur le monde. C'est-à-dire, on n'avait pas de bibliothèque. La plupart des maisons avaient à peine une radio. Et encore. Et avoir un électrophone, c'était presque un luxe. Le seul luxe qu'on avait, c'était d'aller au cinéma une fois par semaine. Et moi, j'achetais des livres aux puces. parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter des livres. Et donc, j'ai commencé par lire des San Antonio, des Jean Bruce, OSS 117. C'est, à l'époque, c'était des grands romans d'espionnage. Donc voilà comment on avait soif d'apprendre. Et malheureusement, ce qui était terrible, c'est qu'on n'avait pas les moyens d'apprendre. Enfin, on ne nous donnait pas ces possibilités, mais on cherchait, on se prêtait les livres, on allait aux puces, on achetait, on lisait de tout, voilà. Dans vos relations de jeunesse, beaucoup de gens sont partis au Canada, sont partis en France, sont aussi partis en Israël. Oui. Quel regard porte-t-il, déjà avez-vous toujours des contacts avec des amis d'enfance, et quel regard porte-t-il sur votre évolution? En général, ils sont toujours surpris, enfin, être surpris, c'est un mot très faible, de mon évolution. C'est-à-dire qu'il y a un décalage terrible, enfin, énorme, colossal, incompréhensible, entre ce que j'étais à Meknès, ce qu'on se connaissait tous. On avait un boulevard, ce qu'on appelait le boulevard, et notre seul loisir, c'était de faire des allers-retours, comme un peu une ville espagnole. Et on se parlait, on rêvait, on disait, voilà, on parlait des études, de ce qu'on allait faire. Et on avait plus ou moins la même façon de penser. On ne pensait pas nécessairement à Israël. En fait, d'ailleurs, très peu. Et très peu voulaient y aller, vraiment. Bon, on avait une sympathie comme ça, instinctive. Les gens étaient enracinés à Meknès, très enracinés. Oui, étaient enracinés, mais en même temps, il s'est développé après l'indépendance, pour des raisons peut-être sur lesquelles je ne peux pas revenir longuement. Et il s'est enraciné dans le subconscient des Juifs marocains, le sentiment à partir des années 60, que leur avenir ne pouvait plus se faire au Maroc, qu'il fallait partir. Voilà. D'une façon ou d'une autre, on devait partir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ceux qui sont partis en Israël, à peu près la moitié des Juifs du Maroc, parce qu'ils ont été bernés ou parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire autrement. Mais à partir des années 60, lorsque les Juifs du Maroc ont compris qu'il fallait partir, mais qu'ils pouvaient plus aller, qu'ils ne voulaient pas aller en Israël, parce qu'on savait à peu près ce qui se passait, le racisme, la pauvreté, etc. Donc, ils sont partis au Canada, en France. Et d'ailleurs, 99,5% de la communauté marocaine est partie des Juifs du Maroc. Donc, il y avait cette espèce de sentiment. Moi, quand j'ai eu ma licence en droit, j'étais major de ma promotion. Mention très bien. À la faculté de Casablanca. Voilà. Mmh. Mais je suis parti. C'est-à-dire, en fait, on ne m'a rien fait, mais c'était ce sentiment qui s'imposait à moi que mon avenir était ailleurs. Voilà. Et donc, on vivait cette effervescence de l'ailleurs, mais de l'ailleurs qui se voyait surtout en France. Et ensuite, vous émigrez à Montréal, puis à Berlin. Oui. Puis en France. Pourquoi votre choix? Non, je suis retourné au Maroc. D'accord. J'ai enseigné 10 ans au Maroc. Ça a été une expérience extraordinaire de retourner au Maroc. Ça s'est fait de façon un peu presque comme un pari. Voilà, une espèce de... Et puis, j'ai enseigné pendant 10 ans à Casablanca. J'étais maître assistant. Et ça a été une expérience humaine vraiment formidable. Pourquoi ? Parce que, en tant que juif, le juif marocain connaît très peu, à part quelques exceptions, on se mélangeait pas du tout avec les musulmans. On était des frères ennemis, des cousins. Enfin, on se méfiait beaucoup les uns des autres. Et quand je suis revenu au Maroc, je me suis décidé à rentrer dans la communauté musulmane, c'est-à-dire à vivre avec. Et pourquoi ce choix? Je ne sais pas. C'est ma personnalité qui s'est montrée à l'époque. C'est-à-dire, j'étais quelqu'un qui n'était pas comme les autres. Voilà. C'est-à-dire, quand je suis arrivé à Montréal, j'étais seul, je ne connaissais personne, j'aurais pu aller vers les Juifs et trouver des amis, etc. Je n'ai pas voulu. Je suis resté seul quelques temps, et puis j'ai trouvé un appartement communautaire avec des Québécois de langue anglaise. Et donc, voilà, je me suis ouvert sur le monde extérieur. Et je crois que c'est quelque chose qui était en moi depuis longtemps. Et ça s'est concrétisé comme ça à Montréal. Et donc, quand je suis revenu au Maroc, j'étais prédisposé à ne plus m'enfermer dans la communauté juive, qui était d'ailleurs dérisoire au Maroc à l'époque. Non seulement dérisoire, mais qui ne correspondait pas du tout à mon niveau intellectuel, politique, etc. Et puis, je me suis dit, mais cette communauté musulmane que je ne connais pas du tout, il faut que je la connaisse. Voilà, donc j'ai redécouvert le Maroc, la musique, les mœurs, etc. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis d'écrire des romans sur la société marocaine. Et vous connaissez le choix qu'a fait Gilad Atzmon, oui, qui déclare ne plus vouloir dire qu'il est juif. Oui. Par contre, vous... Moi, je dis une chose. C'est quelque chose que je ne peux pas m'enlever. Voilà. Ce n'est pas une chemise qu'on enlève et qu'on jette dans le linge sale. Moi, je le suis, c'est-à-dire une partie de moi l'est, mais l'est de manière, je sais pas, je peux raconter une anecdote qui peut faire rire. Donc, je suis athée depuis l'âge de 18 ans, mais à chaque fois, enfin, souvent quand il y a une fête juive, je chantonne la liturgie juive. Qu'est-ce qui explique ça? Pourtant, je suis profondément attaché à cette origine, à cette culture, à cette manière d'être, à cette manière de penser, à cet esprit de communauté, je sais pas. Même si je suis en dehors de tout ça, c'est-à-dire même si j'ai rejeté tous les aspects communautaires, tous les aspects sionistes, tous les aspects religieux. Mais Gilad Atzmon, d'abord je peux comprendre son choix. C'est-à-dire, lui, il est né, il a grandi dans une société, dans une famille, et une société totalement athée. Et il n'a pas vécu ce que j'ai vécu, moi, les 20 années de culture juive. Et donc, ça me servirait à quoi de dire je ne suis pas... Moi, c'est quelque chose que je ressens. Et donc, je n'ai pas envie d'aller à l'encontre de mes sentiments ou de mes profonds sentiments. Et puis, en même temps, moi, ça me convient parce que ça me permet d'étudier et de connaître et de faire partager aux autres ce qu'est le judaïsme ou ce que sont les déformations de ce judaïsme quand le sionisme vient à les bouffer. Oui, donc vous êtes en rupture et en même temps vous avez l'impression d'être resté fidèle à vos origines. Oui, oui, oui, je suis en rupture peut-être parce que je connais mieux, je peux mieux critiquer. Enfin, j'étais dans un mouvement sioniste pendant 3-4 ans et je m'étais imbibé d'idéologie sioniste. Et donc, je sais ce que c'est et je peux l'expliquer aux autres. Je peux, j'ai cette connaissance intérieure que d'autres n'ont pas. Voilà. Alors, expliquez-nous. Quoi? Si on vous demandait qu'est-ce que le sionisme pour vous? Le sionisme a évolué. Et je pense que beaucoup de gens font une erreur, une grande erreur, voilà. Aujourd'hui, ils jugent le sionisme en fonction d'Israël d'aujourd'hui et de la communauté juive d'aujourd'hui. Or, et ils pensent que ça a toujours été comme ça, que les juifs ont toujours voulu dominer le monde, que le sionisme est une création des Rothschild, etc. pour dominer. C'était pas ça du tout. Enfin, à mon avis. Le sionisme a été la création de quelques milliers de pionniers ou de militants communistes pétris de marxisme et d'idéologie révolutionnaire en Russie et en Pologne. Ça n'a pas pris en France. Ce n'est pas les Français, ni les Anglais, ni les Américains. Donc, qui ont voulu changer la société juive. C'est-à-dire, en fait, il y a une histoire de cette image de la pyramide de Borokhov, c'est-à-dire que il disait que tous les peuples ont une base large de paysans, et puis après d'ouvriers, et puis après de nobles. Et la pyramide des juifs est inversée. Et il voulait une terre où il pourrait inverser la pyramide, c'est-à-dire recréer un peuple de paysans, de soldats, etc. Il se trouve que ça s'est fait en Palestine, ça aurait pu se faire ailleurs d'ailleurs. Bon. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Et donc, ces pionniers, qui étaient quelques dizaines de milliers, sont allés en Palestine et ont créé, enfin, humainement parlant, c'était une opération extraordinaire. Voilà, c'est-à-dire dans le sens des réalisations, du travail, de l'acharnement, de la volonté. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils n'étaient pas nombreux. Vous savez, entre 1880 et 1924, année où les États-Unis ont fermé leurs frontières, il y a eu 2 millions de juifs russes et polonais qui sont partis aux États-Unis. Il y a eu peut-être 30 ou 40 000 qui sont partis en Palestine. Donc, l'idéologie sioniste était ultra minoritaire. Les gens regardaient ça avec des yeux, enfin bon, c'est quoi cette folie? Une curiosité. Etc. Voilà. Et donc, vraiment, n'allaient là-bas que des gens, soit qui étaient pétris de cette idéologie révolutionnaire, soit des gens qui avaient vraiment du mal à vivre quelque part, enfin, etc. Et même au Maroc, on voyait, moi je me souviens, enfin, on voyait les sionistes avec des yeux rondes. Enfin, pour nous, c'était des renégats. Ils avaient ouvert un local à Meknès, au Mela de Meknès, et ils ouvraient le samedi. Mais c'était une horreur. C'était, pour les juifs, c'était terrifiant. C'était des gens... Quand j'ai annoncé à mon père que je voulais aller au kibbutz avec les sionistes, il allait devenir fou. Il croyait que... Je lui aurais dit que j'allais me convertir à l'islam ou au christianisme, ça aurait été la même chose. Donc, les sionistes étaient très mal vus. Et donc, on les regardait avec crainte et terreur et admiration, parce que c'était des gars qui venaient, on ne sait pas d'où. Et mon père est parti en 68 parce qu'il n'avait pas les moyens d'aller ailleurs, en fait. Il détestait Israël. Et en 69, quand je suis allé lui rendre visite... Il est parti où ? En Israël ? En Israël. Mm-hmm. Et il m'a dit, mais Jacob, c'est pas des juifs ici. C'est pas des juifs. Parce que pour lui, c'est quoi un juif ? Un juif, c'est quelqu'un qui respecte la tradition, qui respecte la loi, qui s'entraide. Mais là, il est arrivé dans une jungle, la jungle sioniste. Et il s'est dit, je suis où ? Et il y avait un décalage énorme. Les gens ne se rendent pas compte à quel point il y avait un décalage entre l'idéologie sioniste, cette idéologie. Vous savez, les sionistes, c'était Trotsky, c'était Staline qui était parti en Israël. C'est pas du tout... C'était des gens qui n'en avaient rien à fiche de la Torah, de l'Ancien Testament, de Dieu, de tout ça. Tout ça est venu bien après l'indépendance. C'était une idéologie... Comment dire, la fin justifie les moyens. En contradiction avec la tradition. Ah, tout à fait, mais ils abhorraient les juifs de la diaspora. Et comment vous expliquez que cette marge soit devenue absolument majoritaire ? C'est incontestable. Parce que, à partir de 1967, j'avais écrit je crois que je l'avais dit d'ailleurs dans une vidéo sur le nouveau suprémacisme juif. Après la guerre de 67, Israël a réussi à récupérer toutes les communautés juives du monde. Elle a phagocyté les communautés juives. C'est-à-dire, alors qu'en 1948, 95% des religieux, des rabbins, étaient antisionistes, étaient contre la création d'un État juif. Ils étaient devenus à 98% pro-sionistes. C'est-à-dire, petit à petit, Israël a réussi à mettre la main sur toutes les communautés juives, sur toutes les organisations juives. Et la guerre de 67 a été présentée, alors que c'était une guerre d'agression minutieusement préparée des années à l'avance. Enfin, ça c'est une autre histoire. Israël a réussi le tour de force de présenter cette guerre comme un miracle divin. C'est-à-dire qu'on allait être jeté à la mer, et c'était un miracle. Et là, il y a eu, enfin je me souviens, j'étais à Casablanca, et il y a eu, pour les communautés juives de l'époque, pour les juifs, etc., c'était vraiment une espèce de comment dire, c'est comme si le Messie était arrivé. Et là, ça a été le début d'un retournement extraordinaire. C'est là où a été le retournement. Les juifs de l'Alliance, les juifs, etc., avant 1967, ils étaient presque indifférents à Israël. Israël recevait très peu de soutien. Mais après 1967, a été montée toute une affaire d'aide, etc. Une jonction s'est faite avec le sentiment religieux. C'est-à-dire, le sentiment religieux a été, comment dire, il y a eu d'abord le fait de prendre la Cisjordanie et de récupérer Jérusalem, de récupérer Naplouse, qu'ils appellent Shrem, de récupérer Hébron, etc. Même les juifs, les israéliens, les plus athées, voyaient presque la main de Dieu là-dedans. Et voyaient, parce qu'en fait, la vraie terre d'Israël que Dieu aurait promise au peuple juif se trouve en Cisjordanie. C'est pas Tel Aviv. C'est pas Haïfa. C'est en Cisjordanie. C'est là où il y a le tombeau d'Abraham, de Rachel, etc. Et donc, il y a eu une espèce... La société israélienne était d'un athéisme terrible, enfin, monstrueux à l'époque. Enfin, monstrueux, c'est-à-dire énorme. C'est pas un jugement de valeur. Ben-Gourion se retournerait dans sa tombe aujourd'hui. Et là, il y a eu tout un mouvement de retour vers la religion et surtout une place prise par les partis religieux, etc. Et pourtant vous, en 1987, oui. vous cessez de donner des cours à la faculté de Casablanca oui. et vous faites le choix, non pas de partir en Israël, mais de partir à Paris. Oui. Et pourquoi ce choix ? Bon, d'abord, je serais jamais parti en Israël. C'est-à-dire, j'aurais pu retourner au Canada, dont j'ai la nationalité. Et Paris, pour moi, c'était naturel. Parce que j'ai toujours eu... notre éducation française était... On se sentait réellement français. Enfin, je veux dire, par notre culture. Et puis, j'ai fait Sciences Po à Paris. Pourtant, enfin, votre père était en Israël. Oui, mais ça n'a rien à voir. Enfin, lui, il est... Enfin, c'était sa vie, il fait sa vie. Moi, j'ai fait la mienne. C'est-à-dire, mm-hmm. j'ai toujours... comment dire, sans, avant d'être anti-sioniste avec des arguments, etc., je n'ai jamais aimé Israël. À chaque fois que j'allais, j'ai jamais aimé cette société. Mais sans avoir les arguments que j'ai aujourd'hui, et sans la vision historique que j'ai aujourd'hui, mais je n'ai jamais aimé cette société fruste, violente, agressive, militarisée, etc. Et donc, pour moi, il n'était pas question que j'aille là-bas. Et là, vous vous consacrez à l'écriture. Entre autres, oui. Oui, en gros, oui. Une bonne partie de mon activité est réservée à l'écriture, oui. Parce que quand je dis l'écriture, c'est-à-dire les romans, voilà. D'accord. Une activité de romancier, oui. Et dans votre livre, votre premier livre, donc, c'est... Mon premier livre, c'est Les Noces du Commissaire. D'accord, est-ce que vous pouvez nous dire... Alors, Les Noces du Commissaire, pour lequel d'ailleurs je... qui m'a peut-être aidé à obtenir une invitation au Salon du Livre d'Alger, pour la fin du mois, qui est placé sous le signe du polar. Voilà. Donc en fait, c'est mon premier roman. Moi, j'ai toujours construit mes romans, ils ont toujours un arrière-goût politique, voilà, ou d'analyse politique, ou bien une recherche de décrypter, de décryptage de la société, des faits politiques. Donc je suis parti d'un fait divers, qui m'avait frappé à l'époque des années 80, c'est-à-dire une histoire de cocaïne, de consommation de cocaïne qui touchait les fils de bourgeois. Et je l'ai transformé en rapport de force entre une lutte sans merci entre la bourgeoisie d'affaires musulmane, Fassi, qu'on appelle Fassi, c'est-à-dire d'origine de Fès, et le palais royal. Et les juifs pris entre le marteau et l'enclume. Et à l'époque, au Maroc, c'est ça, la société marocaine a ceci de particulier, qu'elle permet d'avoir des relations extraordinaires. D'ailleurs, moi, je connaissais, par exemple, un commissaire divisionnaire et le chef des RG, chose qui ne pourrait jamais m'arriver en France. Je connaissais autant aussi bien des bourgeois que des paysans qui vivaient sans électricité. En fait, c'est ça, il y a quelque chose de fascinant dans la société marocaine. Et donc, je connaissais ce commissaire qui vivait à part, enfin, qui avait un bureau à part dans une villa ocre, etc. Et donc, j'ai imaginé ce commissaire... être le chouchou du ministre de l'Intérieur, et le ministre de l'Intérieur va lui demander, il faut donner une leçon à ces hommes d'affaires. Voilà. Et donc, il va leur donner une leçon, et c'est le palais qui va gagner. Voilà. Donc ça, c'est mon premier roman. Et pourquoi choisir la forme du roman Parce que vous dénoncez des choses qui sont très graves. Par exemple, dans le Printemps des Sayanis, oui. on peut le dire, vous expliquez que... Il y a une forme de paresse. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, je suis très paresseux. D'accord. Si je n'avais pas quitté le Maroc, je n'aurais jamais écrit. Parce qu'au Maroc, j'avais la belle vie. Il faisait beau. Je jouais au tennis tous les matins. L'après-midi, j'allais au soleil, au bord de la mer. Et c'est vrai que ça ne... Vous savez, Albert Camus avait dit « Le soleil tue l'esprit ». Bon, lui, il a pu écrire. Bon. Mais c'est vrai que, de manière générale, j'avais besoin d'une secousse forte qui m'a amené à Paris, à vivre dans des conditions très difficiles. Les premières années ont été très pénibles. Et l'écriture m'a aidé à remonter à la surface, à surmonter mes difficultés, à me remettre en état psychique de vivre et de résister à l'adversité. Et donc, écrire des essais, ça demande d'avoir beaucoup de... Comment dire? Entre autres... Hein, ça demande d'avoir des fiches, des dossiers, etc. Et moi, ça ne m'intéresse pas, ce genre de travail. C'est-à-dire le travail d'avoir des dossiers, des trucs. Ça ne me convient pas, voilà. Je n'aime pas, voilà. Ça me fatigue. Parce qu'il faut vraiment tout trouver. trouver. Je ne suis pas Emmanuel Ratier, moi. Et donc, pour moi, et comme j'adore la littérature, je me suis dit, voilà, le roman peut me permettre de donner des indications. Parce que, en fait, tous mes romans ont un aspect, enfin, sociologique, politique, etc. Et donc, le roman peut me permettre de donner cette vision. Et puis, je ne sais pas, j'adore vivre avec des personnages. Je ne sais pas, c'est... Voilà, c'est quelque chose. C'est une expérience. À partir du moment où j'ai commencé à la faire, je ne m'en lasse pas. Voilà. Parce que chaque nouveau roman, c'est un nouveau personnage, etc. Oui. Donc, chez Contre-Culture, vous avez publié oui. Le Commando de Hébron. Qui est la suite, en fait, du Printemps des Seyanimes. Oui. Où vous expliquez, si je peux résumer oui. rapidement votre thèse. Oui. C'est qu'il y aurait en France. Oui. Et en fait, partout dans le monde. Oui. Des agents. Oui. Des services secrets israéliens. Pas exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, en France, ce sont des juifs français. Mm-hmm. Donc, tout qui, à fait. Qui travaillent pour Israël. Qui donnent un coup de main. Ils travaillent. À un pas. Instant T. Voilà. Ils donnent un coup de main. Par exemple, comme j'ai raconté, à Saclay, le Mossad avait besoin des dossiers des scientifiques irakiens qui étaient venus se former. Eh bien, ils avaient un Sayan à l'intérieur de Saclay qui leur a apporté les dossiers, les ont photocopiés, les a rendus. Voilà. C'est un service secret normal, il lui aurait fallu des mois pour obtenir cette liste-là. Donc en fait, ils sont par exemple, il y a des Sayanim dans les banques, dans la publicité, dans les médias, etc. Et donc ils donnent des coups de main, soit ponctuels, individuels, soit de manière collective. Par exemple collective, lorsqu'un soldat israélien était enlevé, Gilad Shalit, bon... En 24 heures, son nom est devenu mondialement connu. Et non seulement il est devenu mondialement connu, mais il est entré de force dans le subconscient de tous les peuples de la Terre. Et je fais l'expérience au Maroc. Je leur dis, chaque fois dans une conférence, je dis, c'est ce soldat... Et tout le monde dit Gilad Shalit. Et c'est quoi ? C'est-à-dire qu'en 24 heures, ordre a été donné à tous les Sayanim, où qu'ils soient, de marteler son nom. Voilà une action. Alors Jacob, oui. Vous êtes appuyé sur des enquêtes, oui. sur des documents, même si c'est un roman. Oui. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques sources pour les auditeurs qui voudraient approfondir ? Je me suis surtout appuyé sur deux ouvrages qui sont pour moi incontestables. Bon, il y a l'ouvrage de Victor Ostrovsky, j'ai oublié son titre, mais j'imagine qu'on peut trouver facilement Victor Ostrovsky, et c'était un agent du Mossad. Donc il raconte sa formation, comment il a été recruté, etc. Ses premières années. Des confessions. Voilà. Et il a quitté. Il a décidé d'écrire sa vie. Et il a raconté, notamment l'affaire de Saclay, et notamment l'affaire comment Vanunu, le fameux... Mordechai Vanunu, comment il a été attrapé à Londres. Voilà le travail des Sayanim. Et le Mossad savait que Mordechai Vanunu était caché dans un hôtel à Londres. Ils ont pris il y avait 3000 Sayanim à Londres. 3000. Ils se sont partagés la ville de Londres rue par rue et chaque Sayan appelait la liste des hôtels en disant voilà, je suis de la famille d'un tel monsieur, il est comme ci, il est comme ça, on a quelque chose à lui dire d'urgent. Et ils ont fini par le localiser. 3000 Sayanim ont travaillé des jours en appelant hôtel par hôtel jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Voilà le travail des Sayanim, c'est-à-dire, par exemple, être dans les médias, eh ben, favoriser telle information, bloquer un livre, par exemple. Voilà, le livre de Marion Sigaud qui devait sortir chez un éditeur. C'est tout ça, ce travail-là, se fait grâce à ou bien si on est producteur de cinéma. Il y a un producteur de cinéma américain qui vient de reconnaître qu'il avait travaillé pendant 30 ans pour le Mossad. Et donc, en fait, tout ce travail-là se fait... je voulais dire, il y a aussi un autre livre qui est très important. Le premier livre s'appelle Mossad, un agent des services secrets israéliens parle, de Victor Ostrovsky. Voilà. Et donc le deuxième, c'est à lire, enfin pour moi absolument, c'est Gordon Thomas, Histoire secrète du Mossad. Ce monsieur était le grand spécialiste anglais, c'est un anglais, reconnu des services secrets britanniques et israéliens, et il a interviewé tous les chefs du Mossad depuis Meir Amit, celui qui était chef du Mossad en 58-59. Et c'est lui qui lui a dit, voilà, j'ai créé le corps des Sayanim en 58-59, et voilà. Et donc, il donne des exemples de Sayanim. Donc, une fois qu'on a ces bases-là, et je crois, ça, en fait, je vais raconter une anecdote, disons, plus personnelle. Voilà. J'étais franc-maçon, comme maintenant tout le monde le sait, et j'ai quitté en 2007. Vous étiez dans quelle obédience ? Au Grand Orient de France. Et en 2002, donc en pleine intifada, des frères, des francs-maçons juifs, sionistes, dont un, comment il s'appelle déjà ? Gilles quelque chose, le nom va me revenir, qui est souvent cité, enfin qui est très actif dans les agences pro-israéliennes, etc. C'est un juif français. Et donc ils sont venus me voir, parce qu'ils ont dit Jacob Cohen, Amazon, et ils m'ont dit voilà, carrément, on va créer une loge pour nous, pour judéo-sionistes, pour aider Israël. Ils l'ont créé en 2002. Et ils ont mis un arabe avec, comme ça, quand on les accuse d'être que juifs, ils disent, oh, pas du tout, on a un arabe. Et plus sioniste que lui, tu meurs. Bon. Ben, par exemple, chaque année, ils organisent un voyage en Israël pour les gens. Ils font passer dans toutes les loges un papier, si vous voulez, on va organiser un voyage pour s'informer. Enfin, la loge s'appelle l'étoile de la paix. Vous savez, les sionistes, ils adorent utiliser toujours le mot paix partout. Voilà. et donc, voilà. Probablement, ce Gilles... Bon. Ce ne serait pas Gilles Taïeb ? Ah oui, tout à fait, oui. Oui. Eh bien, à l'époque, il était premier surveillant de cette loge. Et après, comme j'ai quitté le... Probablement, il est devenu vénérable maître. Il est vice-président du CRIF actuellement, voilà. C'est ça ? Et son épouse est adjointe à la mairie de Paris, voilà. Karine Taïeb. Voilà tout le corps des Sayanim. Voilà, par exemple, celui qui a organisé Tel Aviv sur scène, probablement, comme j'ai dit dans une vidéo, c'est certainement Patrick Krugman, oui, ancien président de l'UEJF. Voilà, de l'UEJF, et qui est aujourd'hui adjoint à la mairie de Paris pour les relations internationales, la coopération internationale. Bon, donc, en fait, voilà tout ce corps-là de personnages qui travaillent, qui donnent des coups de main au Mossad. Voilà. Est-ce que vous diriez que ces gens-là marginalisent le reste de la communauté juive ? Non. Aux yeux de l'opinion publique ? Oui, mais en fait, voilà, le problème, c'est que depuis 20-30 ans, Israël a lancé, ou le mouvement sioniste mondial, enfin Israël, a lancé une espèce de d'OPA. Pas d'appel au... Voilà, d'OPA, c'est-à-dire tout pour Israël. Voilà. On s'en fiche maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une bonne partie de la communauté juive en France et ailleurs, aux États-Unis, on ne le sait pas, ça. C'est qu'au moins la moitié de cette communauté, elle disparaît dans la nature, ne suit pas cette mouvance. Mais ils s'en foutent. Ils veulent avoir, même s'ils ont un tiers de la communauté, mais sous forme de forteresse, assiégée, mais forte, unie, et qui est derrière Israël, et qui est derrière les valeurs d'Israël. Ça, c'est ce qui n'existait pas avant. Enfin, c'est nouveau. C'est-à-dire, depuis une vingtaine d'années, c'est comme ça que ça marche. Et vous pensez que ça favorise l'assimilation ? Pas du tout, au contraire. Au contraire, il n'y a jamais eu autant d'écoles juives, autant de restaurants cachers, etc. Ils ne veulent pas s'assimiler. Et moi, j'ai des témoignages où des jeunes, enfin, qui avant, il y a des années, sortaient avec d'autres, aujourd'hui, ils ne le font plus. Et donc, cette société-là, enfin, cette communauté-là, cette partie de la communauté-là, ne veut pas s'assimiler. Pourtant, les Sayans ne sont pas des pratiquants... Oui, et justement, c'est ça, ça n'a rien à voir avec la religion. Voilà. Alors, et ils ont une nouvelle religion qui est le sionisme. Les Juifs ont réussi, quand je dis les Juifs, c'est-à-dire le lobby, enfin, les institutions juives, ont réussi le tour de force d'unir les Juifs de toute tendance, c'est-à-dire religieux, athées, pas pratiquants, un peu, etc. Mm-hmm. Ils ont un lien commun, qui est le lien tribal, développé par Gilad Atzmon, qui est plus fort que le reste. Et il y a une image qui a été publiée par le site de la Ligue de Défense Juive, un homosexuel israélien, tatoué, crâne rasé, avec des je sais pas quoi, enfin les trucs dans les oreilles, etc., les piercings et tout, avec un jeune talmudiste, et c'était « Nous sommes un seul peuple ». Donc en fait, la nouvelle idéologie, c'est pas... La religion importe peu. C'est-à-dire, Finkielkraut, il commet des crimes s'il y avait un gouvernement, si un jour il y a un gouvernement religieux en Israël, il serait condamné à mort, parce qu'il profane le Shabbat. Tous les samedis, en faisant son émission, par exemple. Mais ça n'empêche pas d'être un sioniste, enfin convaincu. Donc, en fait, c'est assez remarquable ce qu'ils ont réussi à créer, ce mouvement d'identité tribale. Vraiment, le bon mot, c'est tribal, oui. Oui. Vous parliez d'Alain Finkielkraut qui, il y a 2 semaines, a consacré son émission à la religion de la Shoah. Oui. Est-ce que vous diriez que la religion, donc cette nouvelle religion que vous qualifiez de sioniste, est-ce que vous diriez qu'elle est complémentaire avec la Shoah qui revêt aujourd'hui un caractère sacré? Oui, enfin, c'est-à-dire aujourd'hui, mais elle n'était pas... Quand vous étiez jeune, est-ce qu'avec Ness, on parlait de la Shoah? Pas du tout. Mais même quand j'étais en France, dans les années 60, fin des années 60, même dans les années 70, on ne parlait pas de la Shoah. La Shoah a été une création récente. Voilà. Déjà le mot. Oui, tout ce qui tourne autour de la Shoah. C'est-à-dire que Israël s'est rendu compte, après, avec l'occupation de la Cisjordanie, il commençait... La situation d'Israël, la légitimité d'Israël commençait à prendre des coups. Voilà. Et donc l'image d'Israël commençait à se transformer. L'image d'Israël dans les années 60 est extraordinaire, dans les années 70. On ne peut pas s'imaginer aujourd'hui, il y avait des dizaines de milliers de jeunes qui allaient dans les kibboutzim en Israël. C'était comme un voyage spirituel. Et là, il y a eu une inversion de tendance qui commençait vraiment à devenir... Et il faut rendre... Enfin, moi, je rends hommage au génie israélien, c'est de comprendre ces choses-là et de réagir. Voilà. C'est pas comme n'importe quel pays colonial. Les pays coloniaux, en général, ils réagissent mal. Ils savent pas réagir. Ils ne réagissent que par la force. Israël s'est dit, je suis dans une situation difficile, on va ressortir la Shoah. Et là, ça a été le film de Lanzmann, les films, les voyages à Auschwitz. Il n'y avait pas du tout les voyages à Auschwitz. Ça ne se faisait pas. C'est un phénomène qui date depuis 20 ans. On peut voir ça dans le documentaire, l'excellent documentaire Diffamation. Oui. Vous l'avez vu? Vous en pensez quoi? Je précise aux auditeurs qu'en fait, Diffamation, c'est réalisé par un jeune juif qui s'interroge sur... Un journaliste israélien. Qui s'interroge sur la réalité de l'antisémitisme à travers le monde. Et en réalité, on se rend compte au fil du documentaire que c'est une construction ex nihilo, à partir de rien. Voilà. Avec le personnage d'Abraham Foxman, qui est un personnage assez fascinant, espèce de milliardaire qui fréquente les grands de ce monde et qui joue sur cette culpabilité, la Shoah pour... Et on voit la construction de cette paranoïa. Tout à fait. Qui est une construction en Israël. Oui, mais les artificielles, c'est-à-dire on l'a construite ex nihilo, de rien. On l'a montée de rien. Voilà. C'est extraordinaire. Je conseille vraiment ce documentaire à nos auditeurs. Voilà. Donc en fait, c'est parce que pour aider les Israël à retrouver une légitimité et aussi, surtout, à faire taire toutes les critiques. Parce que dès qu'il y a une critique, on dit « Ah, la Shoah, l'antisémitisme, etc. » Alors, on peut voir sur votre fiche Wikipédia, parce que... La première chose qu'on fait quand on s'intéresse à quelqu'un, généralement, c'est de taper son nom sur Google. Et alors là, on tombe sur des choses extraordinaires. Je vais vous lire ça, vous me direz ce que vous en pensez. Mm-hmm. D'après Conspiracy Watch, un petit site qui fait des listes... J'ai entendu parler, oui. Voilà. Jacob Cohen promet un antisionisme obsessionnel et démonologique qui trouve son origine dans la littérature antisémite de l'entre-deux-guerres, renouvelle l'accusation anti-juive de double allégeance et navigue dans les eaux troubles de la nébuleuse rouge-brun. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous décrit... Pas du tout. D'abord, je n'ai jamais cité un ouvrage, ni une pensée, ni une idée quelconque des années 30. Alors là, j'ai mis au défi quiconque de mettre un lien avec ce que je dis. Bon, d'accord. Je ne crois pas être obsessionnel. Je fais mon boulot de critique, de décryptage, d'analyse. Je crois lucide et je pense même le faire pour le bien des juifs et du peuple juif. Parce que je suis convaincu que le retour de bâton va être terrible. Que cette aventure sioniste... Un jour, elle va trouver son terme et les conséquences seront terrifiantes pour les Juifs d'Israël et pour les Juifs du monde entier. Et malheureusement, les voix qui s'élèvent pour dire ces choses-là sont tues ou sont condamnées. Et ce qui est terrible, voilà l'aveuglement des institutions juives sous la direction des sionistes, parce qu'en fait, je vais citer deux grandes personnalités juives, Einstein et Hannah Arendt, qui ont, en 1948, déclaré leur méfiance et à l'égard d'un État juif, d'un État avec une armée juive. Ils avaient déjà pressenti les dérives que cet État allait commettre. Et c'est terrible parce qu'en fait, il y a eu toujours, dans les années 20 par exemple, à Hadam, un des grands sionistes de l'époque, qui a une rue à Tel Aviv d'ailleurs, il les mettait en garde contre un sionisme politique. Et malheureusement, parce qu'il y avait une minorité, il faut toujours avoir à l'image que ces sionistes historiques, c'était des trotskistes. C'est imaginer l'armée de Trotsky et de Lénine. C'était des gens qui étaient des enragés de la révolution. En 1924, ils ont assassiné un notable juif de Jérusalem, d'une vieille famille juive, parce que ce notable allait partir à Londres avec une délégation pour dire aux Anglais, écoutez, on vit bien avec les Palestiniens, on n'a pas envie d'avoir de ce projet sioniste. Et bien, ils l'ont assassiné. C'était un groupe qui utilisait des méthodes de mafieux. C'est-à-dire, ils allaient voir quelqu'un qui a un magasin juif, une imprimerie, etc. Ils lui disaient, tu n'as pas employé un arabe, sinon on te brûle l'imprimerie, etc. Il faut imaginer un groupe, mais vraiment aux méthodes ils n'avaient ni foi ni loi. C'est un peu ce que vous décrivez dans votre livre, Le Commando de Hébron. Alors là, j'ai des questions à vous poser. Oui. Hein, parce que vous décrivez, je le dis pour les auditeurs, la situation suivante. Une jeune juive en France tombe amoureuse d'un arabe. Oui. Et donc, elle est empêchée d'avoir une relation avec cet homme par des milices, juives, extrémistes. Oui. Et donc, ce que vous décrivez dans le roman, est-ce que c'est une extrapolation ou est-ce que vraiment ça existe ? Ah non, c'est une réalité. C'est une réalité. Fait, mais aujourd'hui, il y a un service, il y a même un service de services secrets du intérieur du Shin Bet qui se charge de sauver les filles juives qui ont épousé un arabe. Par exemple, ils l'enlèvent, enfin, soi-disant pour la sauver. Il y a une dérive. Je voulais expliquer cette dérive. Parce qu'il y a 20-30 ans, la société israélienne n'aurait pas commis, moi je connaissais la société israélienne à partir des années 60-70, ne serait pas arrivée à de telles extrémités. Genre, moi je me souviens, on me disait, il y a une fille qui s'est mariée avec un arabe en Israël, bon, on disait, la malheureuse, etc. Bon, voilà. Mais là, je ne sais pas, il y a un an, si vous avez vu, si vous vous souvenez de cette scène, il y avait une juive israélienne qui s'est mariée avec un arabe israélien. Il a fallu 200 policiers, des dizaines de policiers et de gardes du corps pour assurer leur sécurité pendant la soirée. Non, en Israël. En Israël. C'est-à-dire, c'est une société qui dérive. C'est ce que j'ai voulu montrer. C'est-à-dire, en fait, il y a un parallèle entre ce qui se passe en Israël, de ce côté-là, de cet extrémisme ethnique, ethnico-religieux, et en France. En France aussi, peut-être qu'on en arrive là, je ne sais pas, moi je ne suis pas, mais disons que, parce que cette fille vient d'un milieu judéo-sioniste, que j'ai situé à Créteil. Et je suis sûr que les gens qui ont fait ça dans le roman, ils l'auraient fait dans la réalité. Ils ne peuvent pas tolérer qu'une de leurs filles aille avec un homme. Et alors j'ai une autre question à vous poser. Vous savez ce qu'on entend sur le peuple élu, les juifs qui se disent être le peuple élu. D'accord. Est-ce que dans l'intimité de votre communauté, vous déclarez que vous êtes supérieur aux autres peuples? Vous vous sentez supérieur? Est-ce qu'il y a ce sentiment de supériorité qui existe réellement? Je vais essayer d'être franc. D'abord, moi je viens du Maroc. Bon, donc, c'est le judaïsme marocain, ou d'un pays arabe, et le judaïsme occidental, c'est vraiment deux mondes. Voilà. Donc il ne faut pas... c'est vraiment deux mondes. D'accord. Voilà. Donc déjà, il y a une distinction à faire. Le judaïsme occidental, il est plus rationnel, plus scientifique, plus ancré dans la société, alors que nous, on vivait à des années-lumière. Entre mon père et moi, il y a 4 siècles de distance, en termes de connaissances, etc. Et il y a un livre qui vient de sortir, je ne sais plus le titre, c'est quelqu'un, je crois qu'il est d'origine marocaine, un musulman d'origine marocaine, il analyse le sionisme lui, fait partir le sionisme à partir déjà du XVIe siècle, dans la Kabbale, etc. Pourquoi ? Parce qu'il trouve dans des textes ce sentiment justement de supériorité, de peuple élu, de différence, et de domination. Et en fait, je vais vous dire ce que j'ai ressenti moi en tant que jeune juif dans ces sociétés traditionnelles. Les communautés juives qui ont toujours été harcelées pendant des siècles, écrasées, discriminées, etc. Bon, ça c'est un fait. Enfin bon, on crée des mythes de peuple à part qui est protégé par Dieu. Et ces mythes de peuple à part, il est protégé et en même temps il est différent et il ne se mélange pas et il n'a pas, et s'il a, si, disons, par excès de langage, ou par excès de théorie, il se dit, j'ai envie de dominer le monde, ce sont des paroles. Ça reste des paroles. C'est-à-dire que, vous savez, Staline disait du pape, le pape, combien de divisions ? Ces gens n'avaient aucun pouvoir de faire quoi que ce soit. Les gens croient, parce qu'il y a quelques banquiers juifs, mais le reste, 98% des juifs, ils n'avaient aucun pouvoir. Enfin, je veux dire, aucun pouvoir, ni économique, ni culturel, ni matériel, etc., ni militaire, en tout cas. Et donc, moi, je me souviens, on me racontait, ma grand-mère, par exemple, me racontait des histoires où le juif était toujours dans une situation difficile, et Dieu le sauvait et le mettait dans une position dominante, c'est-à-dire, par exemple, conseiller du roi, etc. Et on se disait, ah, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, ça nous confortait dans une place, une grande place à part. Mais après, c'est là où j'ai compris. J'ai compris que c'était des constructions théoriques pour compenser la misère dans laquelle ils vivaient. C'est-à-dire la misère, c'est-à-dire la soumission, la crainte. Enfin, nous, les Juifs du Maroc, on a grandi, enfin, même si elle n'était pas réelle, mais on a grandi dans cette crainte qui est passée de façon historique dans notre subconscient. Alors, de là à dire qu'on nous a inculqué le sentiment... Bon, le peuple élu, il est différent. Il est étranger. Mais je ne crois pas, enfin en tout cas, je ne crois, sauf aujourd'hui, évidemment, mais la situation en Israël a changé les choses. Il y a un nouveau suprémacisme juif qui a, rebattu les cartes. Ce n'est plus le même judaïsme d'il y a un siècle, d'il y a deux siècles, d'il y a trois siècles. C'est autre chose maintenant, on vit autre chose. Mais il ne faut pas plaquer ce qui se passe aujourd'hui avec ce qu'il y avait il y a un siècle ou deux. Donc quand on me racontait des histoires comme ça, quand, par exemple, on était dans la synagogue et on disait « oui, Dieu a fait ceci et cela », ça nous donnait un sentiment... Enfin, quand je l'analyse rétrospectivement, ça nous donnait un sentiment qu'on n'est quand même pas seul. On a un Dieu qui nous protège malgré tout, malgré toutes les vicissitudes, malgré les problèmes qu'on peut avoir. Et le sentiment d'être à part, quand j'étais à l'Alliance israélite, notre rêve était d'abandonner ce sentiment d'être à part. En tout cas, je parle de la jeunesse la jeunesse avec laquelle j'ai vécu. Voilà, c'est-à-dire cette jeunesse de 16, 17, 18 ans, 20 ans, qui se baladait au Mela, et on rêvait de perdre la plupart de ses caractéristiques. Voilà, on avait envie d'être français. On avait envie de sortir avec des blondes. C'est comme je raconte dans un roman. Et rétrospectivement, vous êtes nostalgique du Mela ? Non, c'est quoi être nostalgique ? C'est-à-dire, être nostalgique, ça veut dire qu'on voudrait revivre ça. Moi, ce que je regrette une chose. Qu'on était trop pauvres pour filmer tout ça, pour enregistrer ça. Parce que c'était d'une richesse et d'une poésie et de personnages, enfin de personnages romanesques, mais c'est quelque chose de fabuleux. C'était des gens, parce qu'ils n'avaient rien d'autre, ils n'étaient ni politisés, ils n'étaient ni instruits, ils ne lisaient pas. Et donc, c'était une civilisation orale. Et ils racontaient des histoires, parfois bien sûr ils exagéraient, Mais quand je pense à ça, je me dis, c'est dommage que cette société-là ait disparu sans laisser quasiment de traces. Voilà. Et c'est terrible. Parce que, contrairement à ce que disaient les sionistes, il y avait des poètes, il y avait des gens qui ont écrit des livres, des rabbins, etc. Et des traités de religion. Et tout ça, malheureusement, est parti en fumée. Alors, je crois savoir que vous avez été agressé par deux fois par la Ligue de Défense Juive. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette expérience ? C'était en 2012. La première fois, c'était le 12 mars 2012. J'allais donner une conférence dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Et puis, avant la conférence, on était au bar. Puis, il y a 7-8 énergumènes qui sont rentrés. Puis, ils ont commencé à me jeter de la farine, des œufs, à me secouer comme ça, à m'insulter. Je ne comprenais rien du tout de ce qui se passait. Et puis, il y a un qui filmait la scène. Et le film, enfin, la vidéo a été postée sur leur site. Donc j'ai déposé plainte, et puis rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé ? Non, un an et demi après, ça a été classé sans suite. Et donc, c'est fou. Ah oui, non, mais c'est ça la justice en France. D'ailleurs, je l'ai dit, quand j'ai été cité comme témoin de la défense de Soral, j'ai dit au juge, j'ai dit, votre justice, c'est une justice à deux vitesses. C'est pas... Pour le procès contre Aziza, c'est ça ? Oui. Je leur ai dit au juge, je lui ai dit voilà, c'est une justice à laquelle je ne crois pas du tout. C'est une justice qui s'acharne sur quelqu'un, alors que c'est une justice que quand il y a une violence en réunion, etc., ne bouge pas, ne lève pas le petit doigt. Et vous en êtes où avec l'Union juive française pour la paix ? Vous êtes toujours membre ou... Non, j'ai quitté il y a 2-3 ans à cause de Gilad Atzmon. En fait, son éditeur m'avait envoyé son livre, c'était pour une recension qui devait paraître dans le monde diplomatique. Or, Dominique Vidal a bloqué la publication de la recension. Pourquoi ? Parce que pour Dominique Vidal et pour l'Union juive pour la paix, Gilad Atzmon est antisémite. Allez savoir pourquoi, moi je ne sais pas, mais bon, ce sont les mystères de... bon, des connexions trotskistes ou je ne sais pas quoi, vous savez. Et donc l'UJFP m'a envoyé une lettre, comment dire, une mise en demeure. Voilà, voilà Jacob, tu as le temps de te rétracter. Vous n'avez pas connu la période des procès staliniens, mais c'est extraordinaire. C'est ça, ces groupuscules communistes. Et ils m'ont dit, voilà, tu peux te rétracter, tu resteras membre. J'ai dit, bon, allez vous faire foutre. Enfin, bon, là. Donc, voilà, mes liens sont... Voilà, c'en est resté là. J'ai pas du tout envie de retourner avec eux, parce que moi, je l'avais fait par sympathie. Je cherchais pas... Mais ceci dit, ils font du bon boulot. Moi, il n'y a pas de souci. Et le caractère, justement, communautaire, même si c'est une association plutôt pro-palestinienne, on pourrait dire, le caractère communautaire, je crois, a été dénoncé par Gilad Atzmon. Oui, mais Gilad Atzmon, lui, il fait feu de tout bois. Moi je ne suis pas d'accord. Voilà. C'est ce que je voulais vous entendre. Non, moi, je lui ai dit, on a eu une vidéo en anglais pendant une discussion d'une heure où on a exprimé nos désaccords. Disponible sur le site d'Égalité et Réconciliation. Voilà. Et j'ai dit, voilà, il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, si on a envie d'être juif, on a le droit quand même. Pourquoi empêcher quelqu'un d'être juif et d'être anti-sioniste ou d'être critique ? Et donc, le fait... Moi, je trouve que c'est bien. Pourquoi ? Parce que j'en fais l'expérience personnelle. Beaucoup de gens... j'ai une certaine popularité sur Facebook, et beaucoup de gens se disent « Ah ben quand même, il y a un juif qui est anti-sioniste. » Eh ben donc, on ne peut pas mettre tous les juifs dans le même panier. Et ça, c'est quelque chose de bien quand même. Voilà. Parce qu'il ne faut pas que les gens fassent l'amalgame. Enfin, voilà, tous les juifs sont... Bon, c'est vrai que la majorité le sont, mais... il y a quand même des exceptions. Et il est bon de le souligner. En ce sens, vous luttez contre l'antisémitisme ? Non, je ne lutte... Non, l'antisémitisme, il est fabriqué par les sionistes et par le CRIF. Voilà. L'antisémitisme... vous savez, il y a 30 ans, il n'y avait pas d'antisémitisme en France. Il n'y avait pas de problème. Mais il n'y en a toujours pas ? Non. Enfin... Il faut s'entendre sur la définition du mot antisémite. Bon... Oui, il n'y en a toujours pas. Mais enfin, disons, le problème ne se posait même pas. Voilà, si vous voulez. Ça, la nuance. Aujourd'hui, on veut le créer. Enfin, on veut l'établir. On veut qu'il y ait un problème. Disons qu'on pousse Bon, il y a eu quelques actions. On pousse à la radicalisation. Voilà. Il y a eu quelques actions contre des juifs. Mais enfin bon. Mais c'est intéressant pour les juifs parce que, plus il y a un peu d'antisémitisme, et ça les sert. Ça leur donne une raison d'exister. Bien sûr, parce que, à la limite, s'il n'y avait pas d'antisémitisme, il faut en créer un peu. Jacob Cohen, je rappelle à nos auditeurs que votre livre Le Commando de Hébron est disponible aux éditions Contre-Culture, donc je l'ai sous les yeux là, un très bel ouvrage avec une très belle couverture. Oui. Vous avez aidé à Marie à la dessiner, enfin vous lui avez conseillé ou... Non, c'est elle qui m'a proposé, je lui ai dit à peu près ce qu'il en avait. Puis... C'est un très très beau livre, hein. 197 pages, 13 €, Contre-Culture, voilà, sur le site. Alors il semblerait que vous prépariez également un autre livre ? J'ai un roman qui va sortir. Ah, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu ? Il est prêt. Enfin, il est chez Contre-Culture. J'ai reçu l'accord des principaux protagonistes, c'est-à-dire Sora, Alphabien et Anne Luquen. Julien, ouais. Et donc, j'ai imaginé... Alors, c'est à la première personne. J'aime bien parfois écrire à la première personne, parce que... Enfin, voilà. Donc, j'ai imaginé... En fait, ce qui m'intriguait au départ, c'était comment décrypter le journal Libération. Comment décrypter le journal Libération, comment il fonctionne, oula, pour aider, disons, sans le montrer, comment aider le lobby sioniste et Israël. Ce qui ne paraît pas évident au départ. Comment ils font pour aider le lobby sioniste, voilà, sans le montrer, voilà, à leurs lecteurs. Bien sûr, parce qu'ils ont en principe des lecteurs de gauche. D'accord. Donc il faut leur donner du grain à moudre. Il faut leur donner quelques critiques quand même. Donc ça va être Benjamin Netanyahou condamne les excès des religieux, donc sous-entendu... Non, pas nécessairement. N'est pas extrémiste, et ainsi de suite. Non, comme c'est un roman, enfin, que je vais intituler Récit, donc je suis parti d'un personnage qui a 50 ans, un juif d'origine... ses grands-parents étaient des communistes russes. Quand on dit ça, on a dit quelque chose de très important, c'est-à-dire c'était des juifs athées, mais totalement athées, complètement intégrés. Et donc c'est un personnage qui s'est créé, enfin il s'est développé comme ça, quand on écrit des romans, il y a des personnages qui finissent par s'imposer. Il a 50 ans, il vient de divorcer, il était marié avec une catho, enfin, et donc c'est quelqu'un qui n'est pas très ambitieux, et pendant un an ou deux après son divorce, il a une vie sentimentale très médiocre, presque nulle, et voilà qu'il rencontre une juive, enfin voilà, il y a eu des circonstances, et... Il glisse dans le Bnaï Brit, il devient Sayan, etc. Et là, il est récupéré par l'administration, par des personnages de Libération. Enfin, en fait, il y a une femme qui est très connue pour les gens qui suivent Libération depuis longtemps. En fait, cette fois-ci, je n'ai pas donné des faux noms. J'ai donné que les prénoms. Donc, les gens se reconnaîtront. Elle s'appelle Alexandra. Donc, les gens qui lisent Libération, ils savent qui c'est. Et parce que c'est Alexandra, pourquoi ? Moi, ça m'intéressait, parce qu'en fait, elle était correspondante de Libération dans les années 2000 à Jérusalem, en Israël. Elle était très critique d'Israël. Et donc, ils l'ont ramenée. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était les cris de victoire du lobby juif. On a eu la peau d'Alexandra. Elle va manger son pain noir. Et là, elle est revenue. Et... par quel miracle, je ne sais pas comment, elle est redevenue potable. Voilà, c'est-à-dire... Donc maintenant, elle fait partie de la direction de l'IME, elle écrit de bons articles, genre, il ne faut pas boycotter Israël quand même, enfin bon, la paix... Et donc, ce personnage que j'ai, Adrien Bauer, que j'ai créé, on va lui donner la charge, par exemple, de contrôler les publications des pages rebonds, par exemple. Les contributions, etc. Et donc voilà, en fait, c'est toute cette atmosphère, par exemple, Dieudonné, les articles sur Dieudonné, etc. Donc pendant 3 mois, il va jouer le jeu. Et il va sortir de ce jeu de façon, enfin, que je ne peux pas raconter. Donc voilà le roman qui, en principe, qui s'appelle Confession d'un Sayan. Voilà. Très bien, bah écoutez, nous lirons ça... Avec attention, à sortir prochainement chez Contre-Culture. Jacob Cohen, merci beaucoup pour avoir participé à cette émission. C'est moi. Merci également au nom d'Égalité et Réconciliation pour votre combat très courageux.